Kanyangi. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute, mesdames et messieurs. Bienvenue. Voici les grands titres de cette édition. Le prix du kilo de ndagara pêché dans le lac Tanganyika coûte actuellement plus de 100 000 francs burundais, alors qu'il était de 30 000 francs burundais il y a une année. Et c'est suite au manque de carburant, explique pêcheurs et vendeurs. Dans cette édition, on aura la réaction des politiques sur le métier des journalistes actuellement mis à rude épreuve. Les partis Uprona et Codebout s'expriment. Les habitants des quartiers de Kinyinya 2 et 3 au quartier Kajaga de la zone Rukaramu en commune Mutimbuzi font encore face aux inondations et demandent de protection. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Eric Ouimana. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Parlons commerce pour débuter cette édition. La mesure interdisant le trafic du carburant et autres produits à travers les pistes frontalières débouchant sur la rivière Rusizi depuis Uvira à destination du Burundi a été levée ce jeudi par les autorités congolaises sur le territoire d'Uvira. La nouvelle décision a été motivée en partie par le fait que la première a été prise sans l'aval du gouverneur de la province du Sud Kivu. Précise son contenu, cette mesure avait été prise le 4 juillet. Entre autres motivations avancées, il y avait notamment les conséquences engendrées par ce trafic, notamment la pénurie de ce produit au niveau local et la hausse du prix du litre influant sur le transport des biens et des personnes. Et en réaction, les transporteurs des communes Rugombo et Buganda en province de Cibitoke saluent cette nouvelle mesure et trouvent que cela pourra alléger les difficultés causées par la pénurie du carburant qui persiste au Burundi. Ces citoyens de la province de Cibitoke demandent que de tous côtés, l'on prenne de telles mesures allant dans le sens de faciliter le commerce transfrontalier des produits pétroliers. Suivez ce micro-baladeur. Nous saluons cette mesure de la RDC. Il était devenu difficile de se déplacer ces derniers jours. Le gouvernement du Burundi est appelé à faciliter ceux qui importent les produits pétroliers en provenance de ce pays. Nous avons bien accueilli la mesure. Nous avons besoin de l'essence avec la première mesure. On n'avait plus à quel sens se vouer. Par la présente, nous allons facilement faire le transport et on ne connaîtra pas de hausse des prix des tickets. Il faut que ceux qui s'approvisionnent en République démocratique du Congo ne soient inquiétés. On a enregistré les pertes énormes. C'était difficile d'avoir du carburant puisque dans ce pays, on ne cessait de hausser les taxes non justifiées. C'est facile de trouver du carburant au Congo car on se sert de la monnaie burundaise, tout comme les Congolais utilisent le franc congolais au Burundi. Nous demandons des mesures d'accompagnement, surtout pour la sécurité, afin que nous soyons plus appréhendés comme des gens inconnus. La mesure est à saluer. Les véhicules et motos étaient garés au domicile pour manque de carburant. Nous demandons au gouvernement burundais de renforcer les relations avec la RDC dans ce sens. La RDC nous vient en aide. La situation était devenue intenable. On achetait du carburant à des prix exorbitants. Comme cela, on était contraint de hausser le prix du ticket de transport. Et du coup, certains nous avaient abandonnés et préféraient se déplacer à pied. Que le gouvernement nous vienne en aide, tout en établissant de facilités pour ceux qui nous apportent le carburant provenant de la RDC. Parlons encore commerce. Le prix du kilo de poisson d'agara pêché dans le lac Tanganyika s'est vu presque quadruplé actuellement par rapport au prix de l'année dernière à la même période. Il était de 30 000 francs burundais. Certains consommateurs rencontrés au marché central de Rumonge disent se rabattre actuellement au poisson dit Mwanza en provenance de la Tanzanie à prix encore abordable par rapport au poisson d'agara pêché dans le lac Tanganyika. Les pêcheurs et vendeurs rencontrés à la plage de Rumonge voient que la pénurie d'essence comme origine de cette situation et demande que ce problème trouve enfin solution. Une correspondance signée Jean-Pierre Misago. Au marché central de Rumonge, les poissons communément appelés Mwanza de leur région d'origine en Tanzanie sont les plus abondants. Selon un acheteur rencontré sur place dans son marché, il est obligé de se rabattre à ce type de poisson. Les moins délicieux par rapport au ndagala pêché dans le lac Tanganyika, puisque selon lui, c'est le moins cher. En effet, selon cet acheteur, les ndagala dit Mwanza s'achète à 28 000 francs burundais le kilo, alors que les ndagala du lac Tanganyika, rares ces jours-ci, s'achètent entre 120 et 150 000 francs burundais le kilo. Effectivement, à la plage de pêche de Rumonge, le peu de poissons séchés sur les crêtes presque vides comparativement aux années antérieure à cette période où vendu à l'état frais et dominé par les petits moukéké communément appelés nyamou nyamou. Les vendeurs rencontrés sur le lieu disent que peu de pêcheurs vaquent encore à leurs activités suite au manque de carburant et celui qui parvient à pêcher les ndagala les capture loin de la plage et va à un prix élevé pour tenter de récupérer le carburant consommé. Mais son de cloche chez un patron pêcheur qui informe que dans les jours à venir, ce sera une période propice à la prise de ndagala à condition qu'ils aient assez de carburant pour alimenter les moteurs. Ceux qui se sont exprimés voudraient que cette pénurie du carburant trouve enfin solution. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Parlons médias à présent, le dossier du journaliste Gérard Nibigira, correspondant de la radio-télévision Isanganiro dans la province de Gitega, est déjà transféré au parquet de la République en province Gitega. Le commissaire communal de la police dans cette commune l'a annoncé mercredi de cette semaine sans préciser. Le chef d'accusation contre Gérard Nibigira, déjà dimanche 30 courant, Gérard Nibigira a été à une station-service Murisanze, dit chez Philippe, dans la ville de Gitega, où l'on servait de l'essence dans le désordre. Certaines gens étaient malmenés par des policiers. C'est par là que le commissaire communal, lieutenant-colonel de police, Jean-Prime Ndikubgayo, a confisqué les téléphones de Gérard Nibigira en le tabassant, puis l'a détenu au cachot du commissariat provincial pendant plus de 3 heures, accusé d'avoir pris des images. Ces téléphones n'ont pas encore été promis jusqu'ici à notre confrère Gérard Nibigira. Le directeur de la radio-télévision Isanganiro déplore cet incident contre le correspondant de la radio-télévision Isanganiro et appelle le président de la République à rétablir Gérard Nibigira dans ses droits. En réaction, le parti Uprona trouve que les auteurs de tels actes sont des fautifs qui ne veulent pas que la vérité soit révélée au grand jour. Le président de ce parti, Olivier Nkurunziza, déplore un tel comportement de la part des autorités qui veulent faire peur aux journalistes en les empêchant de travailler librement et demande au ministère de l'Intérieur d'intervenir pour redresser la situation. On l'écoute. D'abord, nous encourageons les journalistes à leur demander de toujours respecter, de se conformer à la loi burundaise qui les régisse, mais aussi de ne pas avoir peur de continuer à informer les Burundais et éviter de déraper suite à la colère pour ne pas tomber dans les pièges. Pendant cette période électorale, on aura beaucoup d'informations, on peut avoir même des confrontations sur le terrain. Il ne faut pas que les journalistes aient la peur de dénoncer ou d'informer aux plus hautes autorités pour qu'effectivement des mesures soient prises. Alors, ce que nous demandons au ministre de l'Intérieur, qui a dans ses attributions, il y a la sécurité publique, il faut qu'effectivement interpelle la police. Parce que la police sont là pour protéger la population burundaise, dont les journalistes font partie. Ils doivent être sécurisés pour qu'effectivement leur activité qui doit se dérouler en parfaite collaboration avec la population et la police, sans toutefois créer d'ennemis. Depuis 2015, nous avons vu qu'il y a eu les radios et les journalistes qui ont fui le pays. Alors aujourd'hui, c'est la confiance qui était en train de s'installer entre les radios et le pouvoir public. Alors, à la veille des élections, si on recommence cela, vous voyez, on risque aujourd'hui encore de détériorer cette situation. Parce que le pays sans journalisme, c'est un pays où on sera comme des prisonniers, des hommes sans information. Ils veulent cacher les fautes pour que ça ne soit pas publié à travers les radios et pour que les hautes autorités ne soient pas informées. Ils se cachent derrière leur pouvoir pour séquestrer les journalistes afin de cacher leurs fautes. Et le parti Côte des Bouts dit être préoccupé par des actes d'intimidation posés contre les journalistes ces derniers jours, surtout à l'approche des élections. Selon Kefani Wizi, président de cette formation politique, c'est un moyen d'empêcher les journalistes de traiter des informations concernant la vie socio-économique de la population. Il demande au Conseil national de la communication, CNC, de défendre les journalistes dans leur métier suivi. Au niveau du parti Côte des Bouts, nous avons de vives préoccupations concernant les actes d'intimidation qui sont perpétrés contre les journalistes dans cette période. Nous approchons des échéances électorales de 2025. Nous nous référons à ce qui est arrivé à un journaliste du groupe Iwachu qui a risqué d'être enlevé et même les bureaux de ce journal ont subi des attaques aux pierres. Nous nous référons également à ce qui vient d'arriver très récemment à un journaliste de la radio Isanganiro qui a vu son matériel, y compris le téléphone portable, saisi. Là, nous pensons qu'il s'agit d'une façon d'empêcher les journalistes de continuer à donner des informations et fouiller équilibrer la population parce que des fois, ces actes d'intimidation sont venus quand ils traitaient des questions chaudes qui concernent la vie socio-économique de la population, mais aussi des sujets de l'ordre politique et qui peut-être n'étaient pas de bon goût pour certaines formations politiques ou certains politiques. Donc, nous demanderions à ce que la CNC continue à défendre les journalistes dans l'accomplissement de leur mission, mais aussi les autorités devraient respecter le travail des journalistes, à laisser travailler tranquillement. Nous inviterions également les journalistes de rester serrés et de continuer à travailler dans le strict respect de la déontologie et de la loi de ce métier parce que les journalistes sont très importants dans la période préélectorale et électorale ou post-électorale parce que ce sont eux qui informent la population de ce qui est en train de se faire dans les préparatifs des élections, mais aussi ils donnent des informations phares sur la vie socio-économique du pays qui permettent à la population d'avoir un choix ministériel du vote. Parlons environnement à présent. Les eaux qui avaient inondé certaines localités du quartier Kajaga, précisément au quartier Kinyinya 1, en zone Rukaramu de la commune Mutimbuzi, diminuent sensiblement, affirment les habitants de ce quartier. Quant aux deux autres quartiers, Kinyinya 2 et 3, les habitants se déplacent par des pirogues et demandent protection d'être protégés des inondations de la rivière Rusizi. Au point avec Jean-Marie Mayong. La situation devient de plus en plus normale dans différents coins du quartier Kajaga. Nous sommes en zone Rukaramu de la commune Mutimbuzi, jadis inondée par les eaux de la rivière Rusizi. La route qui mène vers le chef-lieu de la zone Rukaramu, qui était bloquée par les eaux stagnantes, est aujourd'hui praticable. Les habitants de ce quartier poussent un ouf de soulagement. Nous sommes à Kinyinya 1, sur la première avenue de Rukaramu. Les jours passés ici, il y avait de l'eau qui ont empêché les personnes et les véhicules à se déplacer. On se déplaçait en utilisant les pirogues. Nous sommes contents de voir ces eaux reculer, car dans cette localité, ce n'était pas facile d'y passer. Mais aujourd'hui, tout le monde traverse sans problème. Ça marche bien car les eaux ne sont plus encore. Les gens circulent sans problème alors que dans les mois passés, on ne pouvait pas traverser, que ce soit un vélo ou voiture, seulement on utilisait les pirogues. Nous sommes très contents de nous voir arriver à Kajaga. Cela étant, la grande étendue du quartier Kajaga est toujours inondée, surtout les localités de Kinyinya 2 et 3. Ceux qui y vivent disent qu'ils ont de la peine pour pouvoir se déplacer, car ça leur demande beaucoup de moyens. C'est toujours un problème, car les pirogues sont toujours là. Se déplacer vers la colline Kinyinya 1 et 2, ce n'est pas facile, c'est la présence des eaux partout. Nous nous déplaçons toujours avec ces pirogues, parce qu'il y a toujours de l'eau. Les résidents du quartier Kajaga demandent au gouvernement de tout faire pour qu'ils ne soient pas encore être inondés par les eaux de la rivière Rusizi qui déborde pendant chaque saison de pluie. Nous pensons que les autorités au niveau supérieur doivent essayer de nous protéger en construisant une digue à la rivière Rusizi pour empêcher ces eaux de continuer à nous envahir dans nos ménages, qu'ils continuent jusqu'au lac Tanganyika. À noter que ces inondations qui ont poussé certains habitants de Kajaga à fuir vers d'autres endroits ont commencé depuis le mois de mars cette année. Jean-Marie Mayonga de Bujumbura, rendons-nous en province Kirundo, c'est au nom du Burundi où le gouverneur de cette province met en garde les administratifs à la base qui tolèrent les cas de concubinage qui seront limogés de leurs fonctions. Victor Segasago l'a annoncé ce jeudi au cours d'une rencontre avec les administratifs. C'est après ces descentes effectuées dans 26 zones que connaît la province de Kirundo. Il interpelle les administratifs à se conformer à la loi en dénonçant ces cas de concubinage. Une information que nous devons à notre correspondante en province à Kirundo, Agnès Naomagaze. Et c'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite dans nos programmes. Au revoir.